快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 踏着音乐的脚步轻舞飞扬，乘着歌声的翅膀遨游音乐的海洋。有线古典音乐广播98.6兆赫，每天10点、22点播出，歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 今天首先带来的是国王歌手合唱团演唱的不同时期的古典音乐名作，既有宗教音乐，也有浪漫的小夜曲。下面请连续欣赏。 Thank you.

Thank you. Thank you. Ne fuis pas, Comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons seuls les âmes, et loin d'eux. Et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes. L'air d'emporter la terre, mon cher, sans cruel. Je voudrais envoler, m'envoler mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi des fleurs sans nombre. Vous fuyez, je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore. Lui, ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi, prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme à toi. 踏着音乐的脚步，轻舞飞扬，乘着歌声的翅膀，遨游音乐的海洋。有线古典音乐广播98.6兆赫，每天10点、22点播出。歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。接下来请欣赏卡尔·阿尔夫的《博伊伦之歌》，歌词是从德国博伊伦村的本尼迪克特教团修道院发现的中世纪手抄本中摘录出来的，也叫做布兰诗歌。它以金矿有力、热情奔放的音乐赋予了这部奇异的诗篇以新的生命。 Thank you. Thank you. subtiles, nova mundo reserat facies aprilis, ad amorem properat animus erilis, et jocundis imperat Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solenni vera, et feris auctoritas iubet nos caudire, vias prebet solitas, et in tuo vera, fides est et probitas, tum retinere. Amare fideliter, fidele annota, decorte totaliter, et ex mente tota, sum presentialiter, absens in remota, quis quis amataliter, valvitur in rota. Thank you. Yeah. transiterios ire vehementi in amaritudine loquor miementi factus immateria sinus elementi simili sum folio piccolo dutenti cum sireni proprio pir sapienti supra petra ponere sine fondamenti stoldo seghe comparar fluvio laventi superiorem tramite volta permanenti Thank you. Si voluntas mi est, et qui maname que sierit in taverna post vesperam nudus rece crietur. Et sic denudatus est clamavit. Turpissima! Nostre vite gaudea, abstulisti omnia. Thank you. Pecora, multa sunt Inefabilis, membris nacetis labilis, frilunus inefabilis, membris nacetis labilis, si, puer cum puello laborare tur in cellula, felix conjunctio. Yeah. novus, novus, novus amores patria, patria, patria. Novus, novus, novus amores, patria, patria.